Aujourd'hui, nous allons au Lautaret, au jardin alpin du Lautaret, avec une journée organisée par monsieur Manu Rosier pour nous faire une découverte sensorielle des plantes avec un ami à lui dont je ne me rappelle plus le prénom. Les ruines du chalet-hôtel de la compagnie PLM. Au début du XXe siècle, en plein avènement de l'automobile, le Touring Club de France joue un rôle important, tant financier que politique, pour la construction de la route des Alpes. Parallèlement, dès 1911, la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, PLM, met en place, l'été, un service d'autocar en correspondance avec les trains arrivant en gare de Briançon et Bourdoisan. Afin de développer les excursions à travers les grands cols et d'offrir un lieu de villégiature confortable à sa clientèle, la compagnie PLM construit ici un chalet. En pleine gloire, en 1930, le chalet devenu aussi hôtel compte 30 chambres. En 1938, le restaurant reçoit une étoile au guide Michelin. Un autre article, un lien fort entre le jardin du Lautaret, la compagnie PLM et le Touring Club de France. Après la Première Guerre mondiale, le jardin, situé alors au croisement du col du Lautaret et de la route du Galibier, est sommé de déménager pour agrandir la route. Sans le soutien de la compagnie PLM et du Touring Club de France, le jardin n'existerait plus. Le nouveau terrain est offert par la compagnie PLM et le Touring Club de France finance la construction d'un autre chalet dans le jardin, permettant d'accueillir scientifiques, jardiniers et étudiants. Ça va et toi? Bonjour Michel. Bonjour Dominique, pardon. Ça va? Oui. Bon, moi je me suis couverte parce que j'ai entendu 10 degrés. Bah là, en sortant de la voiture, elle annonçait 15. Ah. Au soleil, il fait bon, c'est le petit vent qui rafraîchit. Allez, vous, je vais mettre les chaussures. Salut Marie-Lie. Ça va et toi? Oui. Salut, salut. T'es venue sans ton homme? Bah, mon homme, il est pas bien. Ah, ah mince. Il s'est coincé le dos. Oh. Ah. Bonjour monsieur. Donc ça, c'est un homme extraordinaire. Je montre à Christian, qui est à ta gauche, à 10h. Et Christian est aussi un homme extraordinaire, pas du tout pour les mêmes raisons. Mais il s'appelle Michel, il est beau, il est jeune, il est fringant, il est montagnard. Sylvie est formidable. Non, moi, c'est Sylvie. Nathalie. Oh là là là là là là. Manu. Oh le lapsus. Bon, ça va. Non, Nathalie. Mais non, on va pas être formidable, tu vas voir en plus. Nathalie. Nathalie. Oui. C'est une personne délicieuse. Oh là là. Son rire est beau comme le chant d'un oiseau qui s'envole. Oh. Et elle est formidable. Fait. Les oiseaux, ça va du rossignol à la dinde. Voir l'autruche. Voir la pintade. Mais la pintade, c'est déjà pris. Je ne te présente pas Marilyn, car si je te décrivais ses qualités, tu serais irradié comme un coup de soleil que tu prendrais sur mais la figure. Mais les connais, Christian, mes qualités, il y a longtemps. Il les connaît, oui. C'est ça. C'est pour ça que j'ai mis mes lunettes de soleil. C'est ça. Et Geneviève. Voilà. Geneviève, la Tifa et Sylvie. Et je crois que les bouchers arrivent aussi. Ouais. Ils arrivent, ils sont là. C'est ça. Alors avant toute chose, j'ai aussi souhaité prendre le jardin ouvre à 10h, il est 10h moins 10. J'ai souhaité prendre la parole pour faire une petite présentation générale. Alors nous sommes ici à peu près sur le col du Lautaret, donc on est à 2000-2100 mètres. C'est déjà conséquent pour la végétation. Plus généralement au niveau du cadre, si alors je vais me mettre ici, je vais changer pour vous obliger à vous tourner. Et si vous vous tournez vers l'origine, le point d'origine de ma voix, vous vous tournez en même temps dans la direction d'un sommet majeur dans les Hautes-Alpes qui est la Meije. La Meije qui signifie, ou Meijo, qui est l'alter ego de l'aiguille du Midi à Chamonix. Parce que Meijo, ça veut dire midi. Et donc, en fait, ça désigne le sommet. Lorsque le soleil passe au-dessus de ce sommet, il est midi. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Voilà, alors vous voyez, je vous ai parlé de couleurs, je vous ai parlé d'odeur, je vous ai parlé de pilosité, de plantes tomenteuses ou avec une certaine pubescence. Donc tout cela, c'est pour invoquer ou pour convoquer plutôt les autres sens par lesquels vous faites votre force. Et comme avec un mot d'humour, j'en avais parlé à Marilyn, je me fais fort de vous voir quitter le jardin en ayant fait le plein d'essence. Bien. Panneau là, ici, comme ça. Et tu as des fleurs donc, qui sont dessinées sur le panneau. Et là, c'est marqué en grand « Le jardin du Lotari » avec le paysage. Donc c'est une vieille photo en noir et blanc. Et donc, il y a des indications. Donc, le premier jardin du Lotari a été créé en 1899 par Jean-Paul Lachmann, professeur de botanique à l'Université de Grenoble. Sous le manteau neigeux. Donc là, c'est à nouveau un grand panneau avec quelques photos et quelques dates. Donc, sous le manteau neigeux, les Yukigata, du japonais Yuki, qui signifie neige, et Gata, forme. Les Yukigata sont des formes de névés qui apparaissent à la fonte des neiges. Sur un même versant, ils sont identiques chaque année, quelle que soit la quantité de neige tombée en hiver ou la date du début de la fonte. Ces contrastes d'enneigement entraînent des différences très marquées de végétation et sont étudiés de très près par les scientifiques. Donc voyager dans le temps en actionnant les disques et découvrir l'évolution du paysage. Donc effectivement, donc le point rouge correspond à aujourd'hui, mais il faut commencer par le point vert. Et ça nous indique donc qu'il y a 4500 ans, l'empreinte humaine est très faible. Le climat est chaud et la forêt occupe les versants. Ce milieu est favorable aux grands mammifères, les cerfs, les chevreuils, les loups. Ensuite, quand on met le panneau avec les points bleus, l'impact de l'activité humaine s'accélère. La déforestation est parfois brutale. À partir du XIVe siècle, le climat se refroidit. Les glaciers descendent bas dans les vallées. Entre parenthèses, épisode climatique appelé petit âge glaciaire qui dure environ 5 siècles. Et enfin, les points rouges, là, celui qu'on vient d'afficher. Aujourd'hui, les arbres tels l'aulne vert et le mélèze, les petits arbustes comme les myrtilles, colonisent les versants de nos montagnes, essentiellement à cause de la baisse de l'activité pastorale sur les alpages, les moins faciles d'accès ou les moins productifs. Le réchauffement climatique favorise également la progression du mélèze. Ce changement de paysage fait des gagnants, comme le chevreuil ou le loup, et des perdants, comme les papillons, tels l'Apollon, alors que les végétations mixtes favorisent les tétralyres. Quelle est la part du changement climatique et celle des modifications d'utilisation des terres dans les successions végétales au fil des années et des millénaires? Comment ces changements de végétation influencent-ils l'habitat des animaux de montagne? Quelles sont les conséquences pour la quantité et la qualité des ressources pastorales? Voilà, et tout, là, tout ce que tu touches, là, c'est en bleu. Donc là, pour l'instant, là, à moins 22 000. Ouais. Encore ici. Voilà, ça descend jusque-là. Ça veut dire, c'est quoi comme ville? Ça descend jusqu'à quelle ville? Ben, je ne sais pas, parce que Gap est là. Donc, Sisteron est là. Gap est dans le bleu. Et dans le bleu. Donc c'est dans les glaciers. Embrun aussi, Barcelonnette. Ouais. Donc ça doit être la langue du glacier, voilà, qu'on appelle ça. Qui arrive à Sisteron quasiment. Presque, ouais. Le glacier de la Durance, aux portes de Sisteron, recouvre Guillestre par 800 mètres de glace. Au col du Lotaré, une partie du glacier de la Romanche rejoint celui de la Guisane. Ce dernier atteint une épaisseur de 700 mètres à la hauteur de Briançon. Moins 16 000. Oula, là, ça a largement réduit. Après 1850, le retrait des glaciers est spectaculaire dans les Alpes, passant de 3800 km² en 1850 à 2300 km² en 2000, perte de 40%. La fonte s'accélérant depuis 2000, la grande majorité des glaciers alpins pourrait disparaître au cours de ce siècle sans une diminution drastique de nos émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc à l'échelle de dizaines, centaines de milliers d'années, le climat varie en fonction de paramètres astronomiques, distance par rapport de la Terre au Soleil et du cycle du carbone. C'est ainsi qu'il y a 20 000 ans, avec une température globale de 4 à 5 degrés inférieure à l'actuelle, les glaciers des Alpes s'étendaient jusqu'aux abords de Lyon. Depuis 11 000 ans, nous avons basculé dans une période chaude, dite interglaciaire. La courbe qui est derrière vous indique la variation de longueur des glaciers dans les Alpes suisses depuis 15 000 ans, sur des périodes courtes à cause de multiples autres facteurs, circulation profonde de l'océan, activité solaire, grandes éruptions volcaniques. Mais depuis 1850, la hausse des températures, évaluée à l'échelle globale à 1 degré en ce début de 21e siècle, est essentiellement due à l'accentuation de l'effet de serre provoqué par les activités humaines. Selon les scénarios et en fonction des décisions politiques, l'augmentation de la température à l'échelle globale par rapport à 1850 pourrait atteindre de 2 degrés à plus de 4 degrés d'ici la fin du siècle. La Terre pourrait donc, en 250 ans, se réchauffer globalement de 4 degrés, à comparer aux 4 degrés de moins qui nous séparent de la période il y a 20 000 ans où les glaciers s'étendaient jusqu'aux abords de Lyon. C'est brutal. Non, non, c'est pas des adhérents d'Alpes Regard. Ou autrement, j'espère pas des futurs non plus. Oh là là, pardon, c'est moi qui suis au milieu. Bon, c'est le deuxième groupe de l'après-midi pour partir bisouter avec Christian. L'univers des plantes est très très varié. Donc depuis le 18e siècle, on a éprouvé la nécessité de classer toutes les plantes en famille. Là, je vais vous parler en premier lieu. D'ailleurs, c'est une famille que nous utilisons beaucoup d'un point de vue culinaire et aussi on va la retrouver de façon récurrente tout au long du jardin. C'est ce qu'on appelait autrefois les ombellifères, que l'on appelle désormais les apiacées. Quel est ton prénom ? Sylvie. Alors à Sylvie, ici tu as la fleur en forme, retourne ta main, en forme d'ombelle. Ah oui. D'accord, oui, on la sent bien. Là tu es en train de toucher la fleur à proprement parler. Oui. Et là je te mets une autre fleur dans les mains, qui n'est plus une fleur, ce sont des fruits. Là tu, peux, oui, tu peux toucher les fruits. Là. Ok. Voilà. Alors si vous frottez les feuilles dans vos mains, voilà, tu frottes bien. Alors il y en a qui trouvent que ça a une odeur d'orange. Alors on n'arrête pas de parler de plantes qui se consomment. Et ben, je vais vous en montrer encore une, si je peux prendre ta main. Allez, la mienne. Elle veut toujours. Ah oui, oui. Voilà. Commence. Ça, c'est une fleur qui n'est pas épanouie. Non, elle n'est pas ouverte. C'est un bouton, ça. Oui. Alors, elle est facile à reconnaître quand elle est fermée, justement. Je la reconnais moins bien quand elle est épanouie. Mm-hmm. Ici, c'est aussi une plante qui se consomme. Elle fait partie des astéracées et nous en consommons la racine. Cette racine, c'est le salsifis. Ah, d'accord. Ouais. Ces fleurs, là, si vous la touchez, Sylvie. Ça ressemble un peu à la fleur. C'est la fleur, c'est comme la fleur de pissenlit. Ah oui, ok. Bon, je vous ai promis de faire le plein d'essence. On a déjà utilisé le toucher. Maintenant, on va passer à l'odorat et au goût. Parce que vous allez pouvoir la goûter. Nous sommes toujours dans la famille des ombellifères ou des astéracées. Là, je ne pourrais pas quitter le jardin sans vous avoir montré cette fleur, parce que c'est une fleur qui est emblématique de montagne. C'est celle que vous avez ici, c'est l'Edelweiss. Sylvie. Attends, c'est pas si Sylvie. Oui, ce matin, on parle là-dedans. Il faut te pencher un peu. C'est plus par là. Ça a toujours 5 petits points au milieu. Voilà. Ah, oui. Parfois plus, parfois moins. 4, alors en fait, ça, oui. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça c'est de la famille des astéracées. Oui. La particularité des astéracées, c'est que, comme ça s'appelait avant, c'était des composés. Composés de fleurs mâles et de femelles. Donc là, quand vous pensez regarder une fleur, vous en regardez tout un bouquet. Voilà. Voilà. Et donc au toucher déjà, on voit que c'est duveteux. Ouais. Ce que vous touchez qui est duveteux là, qui est blanc, ouais. En fait, ce n'est pas le pétale de la fleur. C'est une bractée. Par contre, ce que vous avez au milieu, si vous l'avez touché, c'est vous avez plusieurs petits capitules qui sont autant de bouquets de centaines de fleurs. Voilà. La particularité. Pour reconnaître une lamiacée, vous pouvez venir toucher, Michel. Elles ont la tige qui est de section carrée. Ah oui. D'accord. Ah oui. et les feuilles sont disposées de façon opposée. On a senti, je vous demande pas de le goûter là, on a senti des choses qui sentaient plutôt bon. Donc là, maintenant... Ah oui, maintenant, c'est une chose qui pue. Ça pue les pieds. Alors, justement, quelqu'un a cité le lys martagon. Pas mal. Oui, il y en a un là. Ouais. Non, c'est beau. C'est beau, ouais. Par contre, c'est beau, ouais. Sylvie. Moi, j'en avais touché en... Pas bon. Non, ça sent rien. Ça sent rien. Après, les fleurs sont selon la taille. Allez, mais il est développé. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça veut pas y aller. Oh, il y en a plein. Pierrot me les faisait toucher. C'est pour ça que j'arrivais toujours en retard. Oh là là. C'était la bonne excuse. Michel. J'arrive. Ouais. Donc là, ta main, tu la retournes. Voilà. Attends, là, voilà. Okay. Et là, tu sens qu'elle a les pétales qui sont recourbés vers le haut. Oui. Voilà, ça fait un peu penser à un arlequin. En dessous, tu as les étamines, ici. Okay. Voilà. Alors, il faut savoir que les fleurs, celles qui dégagent des odeurs, parce que toutes ne dégagent pas, sachez déjà que l'odeur, ça fait partie de la stratégie sexuelle pour attirer les plantes, les insectes, pardon. Remarquez que nous, quand on se met du parfum, on n'a rien inventé. Hein. Mais sachez aussi que le parfum varie dans son intensité au cours de la journée. Ah, c'est un délou, ça, comme fleur, ici. Sur votre... s'il vous plaît. Oui. Après, ici, sur votre gauche, vous avez un petit bosquet d'arbres qui ne sont pas très hauts. Ce sont des arbres qui, en général, aiment bien l'eau. Ce sont des saules. Ce n'est pas pour rien que je vous montre un saule maintenant. Vous comprendrez dans 5 à 10 minutes. Oui. C'est un saule. C'est un sol nain. Ça risque pas. Tu sais, c'est un lichen. Ouais. Ah, c'est bon. D'accord. Mmh. Là, tu touches quoi, là? Soit c'est de la pierre, soit c'est... C'est du rocher. Du rocher. Ouais. Donc là, d'accord, et là encore... Ça épouse le rocher, en fait. Ça épouse bien la forme du rocher. Ouais. Donc cette plante, ça fait partie... Vous allez comprendre pourquoi, depuis 5 minutes, on parle de saule. C'est du saule. Parce que ce que vous aviez là, derrière vous, encore... Oui. Qui fait 3 mètres de haut. Ici, vous avez l'une des 4 formes de saule nain qu'on va trouver en haute altitude. Mais c'est un saule. Et en plus, donc là, je ne pourrais pas vous, vous le faire percevoir, mais il est en fleur. Voilà. Ah, il est en fleur. C'est vraiment minuscule. Marilyn, on peut toucher le tronc de l'arbre. Là. Oh bah oui. D'accord. C'est tout mini. Non. Mais il restera comme ça. Il y a 4 espèces de saules qui poussent avec des formes naines, comme celui-ci. Il y a le saule à feuille de serpolet, le saule à feuille rétuse, le saule à feuille réticulée et le saule herbacé. Eh ben dis donc. Voilà. On va voir. C'est doux. Tiens, mets ton pied un peu sur un rocher. Ça peut vous faire penser à un animal domestique. Au chat. Oui. Et à quoi chez le chat? À quoi chez le... Ah, le museau, non? Non, sous les pattes. Voilà. Donc, de fait, cette plante s'appelle un pied de chat. Ah, c'est trop mignon. Alors, ça, c'est le nom qu'on lui donne de façon populaire. De façon scientifique, ce sera plutôt l'anténaire dioïque ou Antennaria dioica. Alors, elle est blanche. Lorsque c'est une fleur mâle ou lorsque c'est une femelle qui n'a pas été fécondée. D'accord. Elle est rose lorsque la femelle a été fécondée. J'ai pour habitude de dire qu'elle rosit de plaisir après avoir été fécondée. C'est que le mélèze, c'est une espèce qui est pionnière. Pionnière, ça veut dire que quand vous avez un endroit qui est vide et nu, c'est le premier à venir s'installer. C'est aussi ce qu'on appelle une espèce héliophile qui aime la lumière du soleil. Oui. Alors, on va voir... La dernière partie, ce sont des plantes qui sont présentées dans une pépinière. C'est des plantes qui ont été mises dans une pépinière parce qu'il n'est pas possible de les faire pousser naturellement dans le jardin. Ce sont des plantes qui poussent véritablement en haute altitude, à des 3000 mètres si ce n'est pas plus. Donc de fait, elles vont pousser en coussinets. Oh, ah oui, c'est magnifique. C'est oh là là. Oui. Donc ça, c'est un corydal qui vient de Chine. Michel, c'est pour ça qu'elle nous rend visite. Voilà. 1 600 000 fourmis pour chaque appel. C'est très rigueux. Et puis en même temps, tu peux sentir la chaleur aussi. Ouais, oui. Heureusement qu'on a les araignées. Et celle de tout à l'heure, là-bas, longtemps, il y a une qui en sentait vraiment beaucoup, beaucoup. Ouais. Alors, j'ai oublié de vous dire, le silène à col. C'est une plante qui est de croissance extrêmement lente. Celui que nous avons là devant les yeux, il doit faire à peu près 40 cm de diamètre. On peut en trouver jusqu'à 1 mètre de diamètre. Oui, ça fait tellement bien. C'est énorme, mais sachez... Ça fleurit, en combien de temps ça... Sachez que ça impose le respect, si je vous en donne l'âge. Avec 1 mètre de diamètre, il peut bien avoir le millénaire. Ah oui, d'accord. Que vous partez marcher dans les alpages, de grâce, regardez où vous mettez les pieds, si vous pouvez. On a un bon guide, voilà. Oui. On va dire ça, un bon guide. Et sachez que pour moi, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de l'Edelweiss comme une fleur un peu emblématique de montagne, oui. Eh ben, sachez que pour moi, en termes de montagne et d'écologie alpine, le silène à col est bien plus représentatif que l'Edelweiss. C'était super. Ainsi que je l'avais souhaité, j'espère que vous avez fait le plein d'essence. Oui, tout à fait. Et que vous repartiez avec un réservoir plein. Il ne reste plus qu'à écrire au jardin du Lautaret pour dire qu'on est très heureux de cette visite et ça te fera de la pub. Ah oui, complètement. On pourrait faire ça, écrire au jardin du Lautaret. C'est pas un genre de...